Unité 32. Conversation. Écoutez. 1. Pierre dit « Marie part ». 2. Pierre dit que Marie part. 3. Jeanne dit « Françoise est partie ». 4. Jeanne dit que Françoise est partie. Répétez. 5. Que dit Pierre? 6. Pierre dit « Marie part ». 7. Que dit Pierre? 8. Pierre dit que Marie part. 9. Que dit Jeanne? 10. Jeanne dit « Françoise est partie ». 11. Que dit Jeanne? 12. Jeanne dit que Françoise est partie. Écoutez. 13. Voilà ce que je pense. Chantal n'a pas raison. 14. Je ne pense pas que Chantal ait raison. 15. Voilà ce que je pense. Claude n'a pas eu raison. 16. Je ne pense pas que Claude ait eu raison. Répétez. 17. Qu'en penses-tu? 18. Voilà ce que je pense. Chantal n'a pas raison. Dix-neuf. Qu'en penses-tu? 20. Je ne pense pas que Chantal ait eu raison. 21. Qu'en penses-tu? 22. Voilà ce que je pense. Claude n'a pas eu raison. 23. Qu'en penses-tu? 24. Je ne pense pas que Claude ait eu raison. Écoutez. 25. Jacqueline pense. Antoine n'est pas gentil. 26. Jacqueline ne pense pas qu'Antoine soit gentil. 27. Jean-Luc pense. Valérie n'a pas été gentille. 28. Jean-Luc ne pense pas que Valérie ait été gentille. Répétez. 29. Qu'en pense Jacqueline? 30. Jacqueline pense. Antoine n'est pas gentil. 31. Qu'en pense Jacqueline? 32. Jacqueline ne pense pas qu'Antoine soit gentil. 33. Qu'en pense Jean-Luc? 34. Jean-Luc pense. Valérie n'a pas été gentille. 35. Qu'en pense Jean-Luc? 36. Jean-Luc ne pense pas que Valérie ait été gentille. écoutez. Les enfants sont partis? Oui, ils sont partis ce matin de bonne heure. Pourvu qu'ils aient beau temps. Je ne crois pas qu'ils aient eu du brouillard ce matin. Qu'en disait la météo? Elle annonçait du brouillard? Non, elle n'en parlait pas. Répétez. 37. Les enfants sont partis. 38. Oui, ils sont partis ce matin de bonne heure. 39. Pourvu qu'ils aient beau temps. 40. Je ne crois pas qu'ils aient eu du brouillard ce matin. 41. Qu'en disait la météo? Elle annonçait du brouillard? 42. Non, elle n'en parlait pas. Répondez, répétez. 43. Les enfants sont partis. 44. Oui, ils sont partis ce matin de bonne heure. 45. Pourvu qu'ils aient beau temps. 46. Je ne crois pas qu'ils aient eu du brouillard ce matin. 47. Quand disait la météo et l'annonçait du brouillard? 48. Non, elle n'en parlait pas. Écoutez. Tu as entendu parler du nouveau roman d'Hervé Bazin? Oui, j'en ai entendu parler. Sais-tu s'il est déjà sorti? Je ne crois pas qu'il soit déjà sorti. Si tu veux, je peux en parler à mon libraire. D'accord, tu lui en parles. Veux-tu que je le lui commande? Oui, j'aimerais l'avoir dès qu'il sortira. Répétez. 49. Tu as entendu parler du nouveau roman d'Hervé Bazin? 50. Oui, j'en ai entendu parler. 51. Sais-tu s'il est déjà sorti? 52. Je ne crois pas qu'il soit déjà sorti. 53. Si tu veux, je peux en parler à mon libraire. 54. D'accord, tu lui en parles. 55. Veux-tu que je le lui commande? 56. Oui, j'aimerais l'avoir dès qu'il sortira. Répondez, répétez. 57. Tu as entendu parler du nouveau roman d'Hervé Bazin? 58. Oui, j'en ai entendu parler. 59. Sais-tu s'il est déjà sorti? 60. Je ne crois pas qu'il soit déjà sorti. 61. Si tu veux, je peux en parler à mon libraire. 62. D'accord, tu lui en parles. 63. Veux-tu que je le lui commande? 64. Oui, j'aimerais l'avoir dès qu'il sortira. Écoutez. Ce soir, je fais une soupe de poisson. D'accord? Oui, je crois que c'est une bonne idée. Quel poisson as-tu acheté? J'ai acheté des merlans, des mulets, des maquereaux et du congre. Et des tomates, tu en as? Oui, j'en ai acheté 1 kilo ce matin au marché. Ça suffira? Bien sûr, j'en utilise seulement 1 livre. Répétez. 65. Ce soir, je fais une soupe de poisson. D'accord? 66. Oui, je crois que c'est une bonne idée. 67. Quel poisson as-tu acheté? 68. J'ai acheté des merlans, des mulets, des maquereaux et du congre. 69. Et des tomates, tu en as? 70. Oui, j'en ai acheté 1 kilo ce matin au marché. 71. Ça suffira? 72. Bien sûr, j'en utilise seulement 1 livre. Répondez, répétez. 73. Ce soir, je fais une soupe de poisson. D'accord? 74. Oui, je crois que c'est une bonne idée. 75. Quel poisson as-tu acheté? 76. J'ai acheté des merlans, des mulets, des maquereaux et du congre. 77. Et des tomates, tu en as? 78. Oui, j'en ai acheté 1 kilo ce matin au marché. 79. Ça suffira? 80. Bien sûr, j'en utilise seulement 1 livre. Écoutez. Où est Martine? Elle est dans sa chambre, je crois. Comment? Elle n'a pas encore fini de la ranger? Non, je ne crois pas qu'elle ait fini. Elle s'est levée tard. Dis-lui de se dépêcher. Il faut qu'elle aille faire les courses. Je vais aller avec elle. Martine, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Il faut que nous allions faire les courses. Répétez. 81. Où est Martine? 82. Elle est dans sa chambre, je crois. 83. Comment? Elle n'a pas encore fini de la ranger? 84. Non, je ne crois pas qu'elle ait fini. Elle s'est levée tard. 85. Dis-lui de se dépêcher. Il faut qu'elle aille faire les courses. 86. Je vais aller avec elle. Martine, dépêche-toi. 87. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. 88. Il faut que nous allions faire les courses. Répondez, répétez. 89. Où est Martine? 90. Elle est dans sa chambre, je crois. 91. Comment? Elle n'a pas encore fini de la ranger? 92. Non, je ne crois pas qu'elle ait fini. Elle s'est levée tard. 93. Dis-lui de se dépêcher. Il faut qu'elle aille faire les courses. 94. Je vais aller avec elle. Martine, dépêche-toi. 95. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. 96. Il faut que nous allions faire les courses.